طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سندخل في المسألة 76. Mais je pense que sur le mot, ça ne doit pas être celle-là, ça va être ça. Si, ça vient, c'est bien aussi. 76e, mas'ala. As-salat bi itminan. As-salatu bi itminan, qui est d'accomplir la salat dans la sérénité et la quiétude, avec le calme. Et il va citer le hadith d'Abu Huraira. Et ce hadith, en réalité, lui, yuzkaru fihi arkan as-salah, dans lequel on trouve en fait les piliers de la salat. Yaqul anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma zakaru al-hadith bi tamamihi. Le hadith est le premier entier, qui a un homme qui rentre dans le masjid. Il a vu le nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa sallama alayhi, fa radda alayhi salam, fa salla. Thumma raja alayhi. فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع وصلي فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع وصلي فإنك لم تصل ثم عاد ثالثا ثم عاد له النبي صلى الله عليه وسلم نفس القول فقال والذي بعثك بالحق علمني فإني لا أعلم لا أحسن غيره. Donc dans le début du hadith, un homme est rentré dans le masjid et il y a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou plutôt, il est rentré dans le masjid, il a fait la salat, après il s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a passé le salam. Le prophète lui a dit, alayhi salatu wa sallam, retourne et recommence la salat car tu n'as pas accompli la salat. Donc cet homme a recommencé la salat. Puis il est revenu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, il a passé le salam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu le salam, il lui a dit, retourne et recommence ta salat, car tu n'as pas fait la salat. Wa kaza mara thalitha, une troisième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété la même chose. Alors cet homme lui a dit, par celui qui t'a envoyé par la vérité, enseigne-moi, car je ne sais pas faire autrement. Fahuna, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam li hadha ar-rajul, idha قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Donc il lui a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu te lèves pour la salat, fais le takbir, ce qu'on appelle takbirat al-ihram. Puis, récite ce que tu peux du Coran. Et en fait, là, avec d'autres adillah, on a vu que c'était Al-Fatiha qui était le... ça va venir, qui est un des piliers de la salat. Puis, incline-toi en étant serein, dans ton inclinaison. Puis, redresse-toi jusqu'à ce que tu sois bien droit. Puis, prosterne-toi en étant serein, dans ta prosternation. Puis, agis dans toute ta salat. Puis, agis ainsi dans toute ta salat. Et le hadith, c'est le muttafaqun alayhi. Donc, ce hadith, il est très important, car il nous cite les choses qui sont des piliers de la salat. Et, comme vous le savez, la salat, il y a des shurut, conditions qu'on a prises déjà, puis des piliers, qu'on prendra aujourd'hui, puis des conditions, ou plutôt des obligations, je veux dire, des wajibat, qu'on prendra dans un autre ders. Donc on a dit les shurut, ce sont des choses qui sont externes à la salat, mais qui sans elles, la salat ne sera valide. On en a déjà parlé. Maintenant, quelle est la différence entre le pilier et l'obligation? Tous les deux, s'ils sont délaissés volontairement, la salat, elle est bâtie là. Et même, je dirais, s'ils sont délaissés, même involontairement, la salat, elle est ba'atila. Mais quelle est la différence? C'est que le pilier, quand tu l'oublies, tu dois le refaire, obligatoirement. Puis, faire ce jeu de sahou. Alors que l'obligation, si tu l'oublies, tu n'as pas à la refaire, mais elle sera compensée par sa jeu de sahou, c'est-à-dire la prosternation de la distraction. Pour avoir été distrait dans ta salat. Le rokn, si tu l'oublies, tu dois le refaire. Obligatoirement. Même si tu t'en rappelles longtemps après, tu le refais. C'est-à-dire, tu fais avec la raka qui va avec, quoi, en fait. Et, à la fin, tu fais ce jeu de sahou. Alors que l'obligation, si jamais tu l'oublies, tu n'as pas à refaire cette obligation, mais tu te contentes du ce jeu de sahou. Il y a des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a oubliées dans sa salat, il ne les a pas refaites. Et d'autres, il a dû refaire. C'est ça qui a pu déterminer la différence entre les deux. Donc il a dit, lorsque tu te lèves pour la salat, il dit, compte à la salat, ce qui prouve que, parmi les piles de la salat, être debout. L'imam yaqdir ala zalika. Il faut être debout. Salat assis, pour celui qui est en mesure d'être debout, sa salat elle est bâtie là. Ainsi de suite. Mais pour le malade, le voyageur, en mesure de là où il se trouve, ou le salat naafila, c'est permis d'être assis, ou alors couché s'il le faut, pour celui qui ne peut être assis, ainsi de suite. ثم قال فكبر تكبيرات الإحرام. Le premier takbir que l'on fait en levant les mains au niveau des épaules, ça c'est un rukn parmi les arkan de la salat. Il faut le faire obligatoirement. C'est lui qui fait débuter ta salat. Ensuite on a dit que tu fais les doigts d'istiftah, et ça tu le fais sirran à voix basse, et ça ce n'est pas un pilier ni même une obligation, c'est une sunna mustahabba. Puis récite ce que tu peux du Coran. Et là, ce qui est à faire, c'est Al-Fatiha. On en a parlé, c'est un rukn parmi les arkans de la salah. La salat liman lam yakra bi umil kitab, ou bi fatihat al kitab. Qui n'est pas de salat acceptée pour celui qui ne récite pas Al-Fatiha. Et ce qu'on récite en plus du Coran, cela est une sunnah mustahabba. Et non wajiba, et non, et encore moins un rukn. Ce qu'on rajoute par la suite, dans la récitation du Coran, ce n'est pas obligatoire, et encore moins un pilier. Mais ce qui est un pilier, c'est Al-Fatiha. Pour tout le monde. Pour l'imam et pour le ma'moun. Pour tout le monde. Et lui, un khilaf pour la salat à voix haute, est-ce que les ma'moumines également, ils font Al-Fatiha? Et en réalité, oui, ils doivent la faire. Car le hadith, il est général. Parle, puis incline-toi en étant serein dans ton inclinaison. Donc il y a un recours, l'inclinaison. C'est un pilier parmi les piliers de la salat. Et tu'manina, la quiétude. C'est-à-dire tu fais les choses calmement, sereinement, avec tact et sans précipitation. D'ailleurs, devancer l'imam volontairement annule ta salat. Et quand tu fais la salat tout seul, kazalik, tu dois prendre ton temps. Quand on dit prendre ton temps, c'est en mesure de ton temps, bien sûr, mais tu ne dois pas te précipiter. C'est-à-dire que tu as le temps de faire chaque chose, comme il se doit. Puis redresse-toi jusqu'à ce que tu sois bien droit. Donc, se relever du recours est également un pilier. Et tu te redresses correctement, avec tact et calme et quiétude. Après, plus tard, il citera les askars à dire à ces moments-là. Vous voyez, ce qu'on dit dans le recours, ce qu'on dit dans le qiyam, ce qu'on dit dans le sujud, tout ça, ça veut dire Inch'Allah. Puis, prosterne-toi en étant serein dans ta prosternation. Kazalik. As-sujud. ركن من أركان الصلاة. قال tu agis dans toute ta salat ainsi. C'est-à-dire chacun de ces piliers-là, tu dois les faire de cette façon-là. Être debout au moment où il faut être debout. S'incliner au moment de l'inclinaison. Le redressement au moment du redressement. Le soujoud au moment du soujoud. Wa'akada. Et il y a un rukn également à rajouter qui est le tashahoud al-akhir. Le dernier tashahoud. Comprenant la salat sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les deux taslim. Les autres choses qui sont citées à l'intérieur peuvent être soit des sunan, mustahabba, ou soit des wajibat. Mais la salat sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle, c'est un des piliers et les taslim, deux taslim également en sont. Il y en a qui disent que c'est un seul, mais sahih anna aza yakounu fil taslimatayn. Non. Donc en gros, voilà les arcanes de la salah. Et ça, ce sont les arcanes généraux. Il y a d'autres arcanes détaillés qui sont rajoutés également. Il y en a, il y a des ulama, ils sont arrivés à les nommer, à les dénombrer à 14. Mais là, ce sont vraiment les principaux, ceux-là. Et je pense qu'il y a non, il n'y a pas ijma sur tous. Qiraat al-Fatiha, dans le madhhab Hanafite, il me semble que ce n'est pas un rukn. Parce qu'il se base sur le verset « وَقْرَهُ مَا تَيَسِّرَ مِنِ الْقُرْآنِ » Dans le Coran, voilà, il dit « Restez ce que vous pouvez comme le Coran » et là, dans le hadith, ils disent que la Fatiha n'est pas citée. Donc, il voit que dire le Coran en soi suffit. Les autres mazahib, eux, ils voient la Fatiha. Taman. Et je crois que sur... il y avait un autre sur lequel il y avait je crois que c'est le taslim à la fin. C'est important des fois de connaître cette divergence. Pourquoi? Pour pas qu'une personne, lorsqu'elle apprend une chose, elle pense que ce qu'elle a connu, il n'y a que ça, et que celui qui contredit cela, c'est forcément une personne qui est guérie ou qui connaît. Non, il y a des ulama qui ont des avis différents sur certaines masaïles, même s'ils ont eu, ils n'ont pas vu juste, mais il faut savoir qu'il y a d'autres avis qui existent et des gens qui sont des références en religion. Donc il faut avoir un certain adab dans ce genre de divergence. C'est vrai que maintenant, des voix de divergence sont vraiment tirées par les cheveux. Même des savants, des fois, sont surpris d'entendre certaines paroles. Mais c'est toujours instructif de le savoir, car cela te permet d'avoir une meilleure attitude lorsque tu discutes de ce genre de choses avec des gens. Des personnes nous ont appris certains avis que tu ne connaissais pas toi, et tu te rends compte qu'en fait, qu'il y avait d'autres choses qui se disaient. D'accord? Car souvent, quand on ne sait pas, on croit qu'on connaît tout. Alors qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose. Non. Et le khushur, dans la salat, khushur, ce qu'on appellera la concentration, ça ne veut pas dire que le fait de penser à autre chose annule ta salat. Le khushur, l'asasi, c'est le fait d'être concentré, c'est-à-dire que tu ne bouges pas, tu ne fais que les gestes de la salat, en fait. Maintenant, certaines harakats sont permises dans certains besoins, ou lorsqu'elles sont... elles sont peu nombreuses ou elles sont légères de bouger dans la salat. Même des fois, c'est wajib de bouger dans la salat. Il y a des hadiths où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si on voit par exemple un scorpion ou un serpent, on peut les tuer dans la salat. Ce qui prouve qu'on peut bouger. Il fait rapporter que Aïcha radiallahu anha faisait la salat et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a frappé et en salat, elle a ouvert la porte. Mais les harakats qui sont inutiles, que ça ne va rien, ça c'est du abath. Et parfois, peuvent même amener à annuler la salat. Ça dépend de la densité de harakats qui ont été faites et pour quelles raisons elles ont été faites. À la base, faut pas bouger. Des fois, ça peut être permis. Et même des fois, comme on l'a expliqué, obligatoire. Et le fait d'avoir des wasawis dans la salat, par exemple, quelqu'un dit, ma salat, j'ai eu aucun khushur, j'ai pensé à ça, à ça, à ça. On dit qu'il y a des adillets qui prouvent que tu peux penser à autre chose, faut faire en sorte de se concentrer, mais que cela n'est pas ta salat. Men min adil ahadith, أن الشيطان يتي أحدكم في صلاته فيذكره ما لم يكن يذكره قبل حتى نسي كم صلى. Que Shaitan il vient à l'entre vous dans sa salat et lui cite des choses à laquelle la personne ne pensait même pas auparavant, au tel point qu'il ne sait même plus combien fait de rakat. Voyez, donc ça l'a perturbé. Est-ce que salat elle est annulée pour autant? Non, elle n'est pas annulée pour autant. Et d'ailleurs, le moment où Shaitan va plus te travailler, c'est dans ce moment-là justement. Là où il y aura besoin de te concentrer, de penser à Allah Azza wa Jal, c'est là qu'il va venir avec des choses farfelues auxquelles tu te dis, j'aurais jamais pensé à ça en dehors de la salat. Allah al-Musta'an. Non. Quoi qu'il en soit, il faut faire un djihad de neuf sort de la salat pour tenter de se concentrer le plus possible. Est-ce qu'on prend la mas'ala d'après? طيب سنأخذ المسألة السابعة والسبعين. درس قادم. أقبلت. On va prendre la 77e مسألة et dans le درس qui viendra, inshallah, on fera les واجبات inshallah de la salat. يقول النزول على السجود على اليدين. Descendre pour la prosternation en utilisant les mains. Donc là, c'est une masala sur laquelle il y a un khilaf également. Beaucoup d'ulama voient qu'on descend sur les genoux en premier et d'autres voient qu'on descend sur les mains. Il n'y a pas de dalil, on va dire, qati' dans la masala, si ce n'est des déductions. Et un hadith sur lequel il y a débat, sur lequel il y a discussion quant à son degré d'authenticité pour celui, en ce qui concerne les genoux et même son interprétation. Ceux qui voient le hadith, qui voient de se prosterner sur les genoux en premier, se servent du hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand la yablik ahadukum kama tablik al-ibil. Qu'aucun d'entre vous ne se prosterne, ne s'agenouille, comme le fait le chameau. Et le chameau, regardez bien comment il s'agenouille. Commence par quoi? Par les pattes avant. Donc de là, ils ont dit qu'on descend pas les mains en premier. On descend les genoux. Et ce hadith-là, déjà, il est discutable. Il y a des ulama, ils voient pas qu'il est authentique. Et d'autres voient qu'il est authentique, et disent que, en fait, le chameau, ses genoux sont ses pattes avant. Pas comme l'homme. En fait. Pas comme l'homme. Ça, c'est un call. L'autre call, qui, moi, me paraît plus fort, c'est celui-ci, celui de l'auteur. C'est dans un hadith de Azib al-Bara ibn Azib قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمدا لم ينحي أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده متفق عليه. Il dit c'était l'acte de Sahaba, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait « Sami Allahu liman hamida », aucun d'entre nous n'inclinait son dos jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prosterné. Puis nous nous prosternions après. Donc là, le verbe employé en arabe, c'est « Hana yahni ». Wal hina, c'est le fait justement de pencher son dos. Taïeb. D'ailleurs, l'intiha, c'est le fait de s'incliner, en fait. Même dessus, il y a des ulama qui disent que ça rentre dans le shirk, de faire des salutations avec l'inclinaison, d'autres qui disent que ça rentre pas forcément dans le shirk, mais c'est une chose qui est grave, ainsi de suite. Bon. En tout cas, ça vient du même mot. Là, le verbe, c'est hana yahni. Et ce verbe-là, en arabe, veut dire de pencher son dos en premier. Donc, ce hadith laisse entendre que ce sont les mains en premier, car pencher son dos amène à quoi? À ce que ce sont tes mains qui vont aller atterrir sur le sol, et non pas tes genoux. Et le hadith, celui-ci, il est plus fort que le hadith du chameau. Ce hadith-là, il est mutafakun alayhi, par Bukhari le muslim, avec leurs conditions. Donc le hadith en lui-même ne dit pas la chose explicitement, mais il laisse une déduction qui est forte. Qu'ils baissaient leur dos, une fois que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était déjà en prosternation. Donc, Comment baisser son dos en descendant sur les genoux? Ce n'est pas possible. Donc, هذا الحديث يبين لنا أن السجود يكون على اليدين أولا. Qu'on se prosterne en premier en faisant, en descendant sur les deux mains. Allahu ta'ala alam. Et aussi une faïda le rawiya, dans le hadith qu'on a pris sur le hadith du chameau, j'ai oublié c'est qui le rapporteur. Ala yabrik ahadukum kama tabrik al-ibil. C'est le verbe barik. Yabriku. Et souvent les gens, quand ils veulent dire une chose qu'ils considèrent comme étant bénie, ils disent mabrouk. Et mabrouk, bah c'est faux. Dans ce sens-là, ça n'a rien à voir. Mabrouk, ça veut dire agenouillé comme un chameau. Ça, c'est le ismafoul de barika yabruku. Le fait de dire bénir comme il le dit, c'est baraka yubariku. Ça serait beaucoup moins barak. Quand on dit mabrouk, ça n'a rien à voir. Le sens qui n'a rien à voir, ça veut dire agenouillé comme un chameau. Cependant, les gens, comme ils ne savent pas, mais il n'y a pas tout ce qu'ils entendent. Et malheureusement, comme beaucoup n'ont pas étudié le sorf et le aouzen des afhal, et ben, quand ils voient un ba, un ra et un ka, tout de suite, ils pensent que c'est ça le sens. Non. Le sens qui a le sens contredit par la bénédiction, c'est baraka yubariku. Ou baraka yubariku. Ama barik yabraku, ça c'est ça, genouillé comme un chameau. Donc attention, quand on dit mabrouk, à ce qu'on dit. Mabrouk, dans le sens que les gens le souhaitent, n'existe pas. Ala kanatam bihan. Taïb. Donc ça n'a que ta fibia d'alium. Wa, dans le prochain dessin, on essaiera de prendre les wajibat, inshallah. والحمد لله رب العالمين